J'ai pris un flash, ramène à tout, c'est plus pareil. Tu rends service et ça te renvoie pas l'appareil. Ça chape tes sapes et ça te juge que sur l'apparence. J'ai cramé ton vice, tu m'appelles que quand ça t'arrange. Mais nous l'été on veut danser, partir un peu de la France. En liberté la chance, 40 degrés derrière sa ponce. Yazina Dibi la tête, encore c'est crème de la bébé. C'est qu'il est méchant de la bibi, les microbes qui te niquent ta bébé. 14 sont zéro fit et quand tu parles de moi ça fuite. La musique ça va vite, insiste tu niqueras tout mon rouillon. Ouais j'viens le rôde et t'es même pas là toute l'année. Bracelet au pied c'est toujours mieux qu'être condamné. T'as mal au cœur, histoire de merde dans la famille. Les putes à buzz, les putes tout pour nous on est vie. Ouais j'viens la mise t'es une fille bien faut pas changer. Chacun son tour, Inch'Allah on va tous ranger. L'allemand t'es trop et reste comme ça c'est ce qu'on m'a dit. Tout dimanche au studio et quand j'y ressors c'est lundi. On vit dans un monde d'arbi. Amis mes couilles ils sont jaloux. Même quand ils voient que tu grosses. Ont pas la paye du guetteur. Qui te font cave l'inspecteur. Le 6-9 est dans le 7. A fond réveille ton secteur. Pour tous mes rats du zoo. Bracelet au pied, c'est toujours mieux qu'être condamné. T'as mal au cœur, histoire de merde dans la famille. Les putes à buzz, les putes tout court, nous on est vie. Ouais, j'viens la mise, t'es une fille bien faux.